Gérard de Nerval, Delphica. La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance, au pied du sycomore ou sous les lauriers blancs? Sous l'olivier, le myrte ou les saules tremblants, cette chanson d'amour qui toujours recommence. Reconnais-tu le temps au péristyle immense et les citrons amers où s'imprimaient tes dents et la grotte fatale aux hôtes imprudents où du dragon vaincu dort l'antique semence? Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours. Le temps va ramener l'ordre des anciens jours. La terre a tressailli d'un souffle prophétique. Cependant, la sibylle au visage latin est endormie encore sous l'arc de Constantin, et rien n'a dérangé le sévère.